Écoute, on en voit la queue. Vous allez maintenant écouter avec attention quelques phrases formées à partir de quelques expressions imagées. Tu n'as jamais entendu parler de Colette? Non, je t'assure. Pourtant, ici, elle est connue comme le loup blanc. Je trouve qu'Annie a beaucoup changé. C'est vrai, ça. Elle est toujours triste. Elle ne parle plus comme avant. Elle vieillit comme tout le monde. Oh, regarde, quand on parle du loup... On en voit la queue. Tu parles d'un week-end. On a passé toute la journée à marcher à la queue leu-leu sur les montagnes sous la neige. Jacques est invité. Attention, c'est une fine mouche, celui-là. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais aller à la mer? Eh bien là, voilà, la mer, là, devant toi. Je veux rentrer. Quelle mouche te pique maintenant? Tu disais que toi, tu n'avais pas peur du directeur. Tu disais qu'à la première occasion, tu lui aurais demandé une augmentation. Et alors? Ah, tu n'es qu'une poule mouillée. Je sais bien que je suis une mère poule, mais je n'y peux rien. Ça fait partie de mon caractère. C'est la dernière fois que tu me poses un lapin, toi. Sinon, tu chercheras quelqu'un d'autre pour aller au ciné avec toi. Tout le monde me considère comme le canard boiteux de la famille. Vous verrez un jour. Vous verrez ce dont le canard boiteux est capable. Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le attentivement. C'est drôle, ça. Les cris des animaux ne sont pas les mêmes en France et en Italie? Bien sûr que non. Et le chien français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « ouah ». Ouah ? Et le chat français? Miaou. Le coq? Cocorico, évidemment. Et l'âne? L'âne, ian. Et l'oiseau? Cui-cui. Comment? Cui-cui, c'est ce que chantent les oiseaux français. Conversation. La sélection naturelle. C'est vraiment un continent merveilleux, l'Afrique. Et tous ces animaux en liberté, heureux, tranquilles. Tranquilles, pas toujours. Qu'est-ce que tu veux qu'ils risquent avec nos appareils photographiques? Nous, nous avons des appareils photographiques, mais pas des contrebandiers. Mais ça n'existe plus, voyons. Comment ça n'existe plus? Et le trafic de l'ivoire? Et celui des fourrures? C'est interdit par la loi. Et toutes ces bêtes sont des espèces protégées. Justement. On fait de la contrebande, des trafics clandestins. Ça rapporte gros, c'est... Il y aurait une solution. Il ne faut plus acheter ni ivoire, ni fourrure. Oui, ça résoudrait le problème. Ce qu'on ne ferait pas pour de l'argent. Oh, regarde, il y a un troupeau de zèbres. Où ça? Là-bas, près du fleuve. C'est vrai, c'est l'heure où ils viennent boire. Et là, un lion. Et les zèbres ne l'ont pas encore vu. Le vent a tourné. Il porte l'odeur du lion vers nous, pas vers le troupeau. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, moi. On pourrait s'approcher avec la jeep, faire du bruit, éloigner le lion. Tu voudrais l'empêcher de chasser? Bien sûr. Regarde-le. Dans une minute, il va sauter sur un zèbre et le tuer. C'est la vie. Il y a un instant, tu condamnais les contrebandiers. Et maintenant, tu ne veux rien faire pour empêcher le massacre. Pour respecter la nature et les lois de la nature. Protéger les zèbres et il faut protéger les lions. Ce qu'il se passe entre eux, c'est leur fait. Il ne faut pas intervenir. Qu'est-ce que tu peux être cruel? Pas cruel, non. Voilà, tu es content du spectacle, j'espère. Et en plus, le lion a choisi un petit zèbre. Il devait avoir quelques mois à peine. Ah, c'est beau la nature. Si le petit zèbre n'a pas pu s'échapper avec le troupeau, cela signifie qu'il était malade. Ou qu'il avait quelques malformations. Ça fait partie de la sélection naturelle. Des lois de la nature. De la vie. Mais un monstre. Pauvre petite bête. Regarde ce qu'il en reste maintenant. Tu ne vas quand même pas pleurer. Je ne pleure pas. Je suis en colère. Contre moi? Contre toi, contre les hommes, contre la nature. C'est absurde. C'est comme ça. Et maintenant on rentre. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est toi qui décides. Et demain? Je suppose que le safari photo, c'est fini. Demain, on verra. Allez, demain.

Oui, mais nous, on prendra le téléphérique. C'est plus rapide et c'est beaucoup moins fatigant. Je vais souvent à la montagne parce que je collectionne les plantes monticoles. Mais c'est interdit. Il ne faut pas les arracher, tout le monde sait ça. Je n'arrache rien. Je les coupe, c'est tout. Et elles repoussent sans problème. J'aime bien les régions montagneuses. On y fait de belles promenades à l'air pur. Tu as raison. Il faudrait, moi aussi, que j'y aille plus souvent. Les montagnards sont des gens un peu spéciaux, tu ne trouves pas? Mais non. Il faut apprendre à les connaître. Ce sont des personnes extrêmement intéressantes. Quelles sont les chaînes montagneuses françaises que tu connais? Moi, toutes. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et aussi le Massif central. Toutes, je les connais toutes. Voici un petit dialogue. Écoutez-le avec attention et répétez-le. Il faut que tu ailles à la montagne plus souvent. C'est bon pour la santé. Tu parles. Les avalanches et les orages qui éclatent à n'importe quel moment, c'est vraiment très sain. Et puis la montagne, ça monte et ça descend sans arrêt. Quelle fatigue! C'est la montagne. Alors, tu nous accompagnes samedi prochain dans les Pyrénées? Et il y a un téléphérique sur votre montagne? Bien sûr. D'accord. Mais je t'avertis. Moi, je n'escalade rien. Je marche, je me promène et c'est tout. C'est clair? Prise de parole. Des bonhommes de neige. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur la neige. Mon rêve, ce serait d'escalader un très haut glacier jusqu'à la cime et de voir les neiges éternelles. Ah oui, c'est bien autre chose que la neige artificielle de cette piste pleine de monde. Ah, ça suffit maintenant avec ces boules de neige, les enfants. Votre mère a raison. Essayez plutôt de faire un beau bonhomme de neige, au lieu de nous bombarder stupidement. Venez voir, il y a des bonhommes de neige partout dans le parc. Venez voir comme c'est amusant. On ne peut plus skier sur cette piste. Il y a des luges de tous les côtés. Ça devient dangereux. C'est vrai, et tu as vu comme elles sont rapides? On ne les entend même pas arriver. Ce soir, nous irons à Chamonix et nous ferons une promenade en traîneau. Tu veux? Oh oui, ça me plairait beaucoup. C'est très romantique. Non, je ne sais pas encore si on pourra skier aujourd'hui. Il faut que je voie si les pistes sont enneigées. Ah, on ne peut pas tout avoir, le soleil au mois de février et la neige. Tu as déjà vu Mireille sur les pistes de ski, toi? Elle est beaucoup trop frileuse. Elle claque des dents et elle grelotte dès qu'elle voit un peu de neige. Non, elle est restée au chalet. Elle nous rejoindra plus tard, quand il fera moins froid. Le temps est neigeux aujourd'hui. Et si on restait devant la cheminée? Si on regardait les flocons de neige par la fenêtre, sans sortir, au chaud, en mangeant des châtaignes et en buvant un bon grog? C'est une excellente idée. Il faut toujours que tu prévoies le pire quand tu dois faire une escalade. Ça t'oblige à prendre toutes les précautions nécessaires et tu cours donc moins de risques. Prise de parole. Ce bonnet te va comme un gant. Voici maintenant quelques phrases concernant le ski. Écoutez-les avec attention et répétez-les lentement. Ah, ça coûte une fortune le ski! C'est vrai. Les skis, les chaussures de ski, les bâtons. Sans compter les après-ski, les anoraks, les bonnets et les moufles. Tu sais, au Canada, on met de drôles de raquettes aux pieds pour se promener quand il a neigé. Pas seulement au Canada. J'ai vu des gens ici qui en avaient. J'aimerais bien essayer moi aussi une fois. Tu as besoin de ta raquette de tennis pour skier, toi? Pour skier, non. Mais pour jouer au tennis après le ski, oui. Où as-tu mis mes gants? Mes gants fourrés, tu sais bien. Je ne peux pas skier les mains nues. Je vais mourir de froid. Ce bonnet-là te va comme un gant. Moi, je le trouve ridicule. Je ne me vois pas du tout descendre une piste avec cette horreur sur la tête. Tu n'aurais jamais dû dire à Olivier qu'il n'apprendra jamais à skier correctement. Pourquoi ? C'est la vérité. Et tu sais bien qu'avec lui, il faut toujours mettre des gants. Maintenant, il va en faire une maladie, crois-moi. Ah, si tu m'avais vu hier avec Jean, je peux t'assurer que je n'ai pas pris de gants pour lui dire qu'il skiait comme un ours. Oh mon Dieu, tu as dû le vexer. Je donnerais n'importe quoi pour aller skier sur l'Etna. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ça doit être dangereux. Fascinant, tu veux dire. Fascinant. Tu es fou. Il ne faut pas envoyer qui que ce soit sur cette piste. Elle est extrêmement difficile. Et Marie n'est pas du tout capable de la descendre sans se casser quelque chose. Il y a des empreintes sur la neige. Ce sont les empreintes d'un animal. J'ai peur. Allons, quoi que ce soit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ce sont des empreintes très petites. Regarde. Prise de parole. Sur la mauvaise pente. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Monter, descendre et recommencer. C'est ça la montagne. Et moi, ça me tue. Eh oui, les montées et les descentes, ça fatigue. Mais ça rajeunit. Ça fait plus de 3 heures que nous grimpons sur cette montagne. Je n'en peux plus. Regarde, la cime est devant nous. On va bientôt arriver. Ça fait 3 heures justement que la cime est devant nous et que nous allons bientôt arriver. C'est la dernière fois que je vous suis. Ça, c'est sûr. Nous allons escalader cette paroi demain. Et s'il pleut? On fera alors une ascension à pied, de l'autre côté de ce versant. 1 heure pour gravir cette pente? C'est une pente très escarpée. Regarde. Oui, mais 1 heure, c'est beaucoup trop. On va le faire en 20 minutes. Fais attention quand tu dévales cette pente. Tu pourrais tomber et te faire très mal. Je ne ferai jamais construire une maison sur un terrain en pente. Ça me donnerait le vertige tous les matins. Chacun doit suivre sa pente, tu sais. Et si ton fils veut devenir musicien et pas avocat comme son père, il faut le laisser faire. Et tu verras qu'il réussira. Ton frère est sur la mauvaise pente. Chaque fois que je le vois, il est en train de boire quelque chose. C'est vrai, je l'ai remarqué moi aussi. Il va falloir que je lui parle. Je n'aurais jamais cru que Jean remonterait la pente aussi vite. Après tous les problèmes qu'il a eus, c'est un vrai miracle. Tu vois la paroi de marbre tout au fond? Alors emmène-moi là-bas. Il n'y a vraiment rien à faire sur cette montagne. Regarde, il n'y a absolument personne. Et je n'ai vraiment pas du tout envie de rester ici tout le week-end, moi. Moi non plus. Allez, on s'en va? Oui, la montagne, c'est beau, c'est sain. Je n'ai absolument rien à dire. Mais ce n'est pas pour moi. J'ai besoin de voir du monde, moi. Du mouvement, la foule. La solitude, ça m'angoisse. Écoute. Pas froid aux yeux. Vous allez écouter maintenant quelques expressions imagées. Tu es blanc comme neige, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est à cause du téléphérique. Le vertige? Oui, ça va passer. Plus personne ne croit en rien. L'auto, l'argent, la discothèque, les jeunes ne pensent qu'à ça. Où sont les neiges d'antan? Papa, ça va pas recommencer. Que veux-tu? Quand on arrive à l'hiver de la vie, on regrette toujours le bon vieux temps. Il est grand comme une montagne, ton fils. Oui, il tient de son grand-père. D'accord, tu ne sais pas nager, tu ne sais pas skier, tu ne sais pas jouer au tennis, mais tu ne vas pas en faire une montagne. Tu t'inscris à quelques cours de natation, de ski et de tennis, et voilà. L'année prochaine, tu nageras, tu skieras et tu joueras au tennis comme tout le monde. Attention, j'ai vu Alain, là, derrière le téléphérique. Et alors ? Et alors, il faut absolument l'éviter, c'est quelqu'un qui ferait battre les montagnes. Et moi, j'ai envie de passer une semaine tranquille. Bien, on s'en va. On prendra le prochain téléphérique. Tu pars en vacances avec Paul ? Sur son voilier, oui. Je vois, il a dû te promettre monts et merveilles. Les îles grecques, les couchers de soleil inoubliables. Il n'a pas froid aux yeux, celui-là. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Oh, rien ! Il m'a bousculé, il a renversé son grog sur ma jupe et il est reparti sans s'excuser. Conversation. Si je tombe... Je te l'avais bien dit que c'était une folie. Escalader la paroi nord avec un temps pareil. Il faisait beau ce matin. Tu ne peux pas dire le contraire. Et les montagnards, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les montagnards, qu'on a rencontrés sur la route? Ne restez pas trop longtemps sur la montagne, il va y avoir un orage. Faites attention. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Qui pouvait les croire? Il faut toujours croire les gens du pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre. Il n'y a pas d'autre solution. Attendre et la foutre. La foudre ? Et si la foudre tombe sur nous ? Il ne faut pas exagérer, quand même. Ah, oh, je m'en souviendrai, moi, des vacances. Sois tranquille, il n'arrivera rien. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Et puis je commence à avoir froid, je n'ai plus de force. Calme-toi, je t'ai dit. Tu vois, le ciel commence à se dégager, c'est bientôt fini. Si je tombe, tu auras ma mort sur la conscience. Bon, alors, ou tu te tais, ou c'est moi qui vais finir par te pousser dans le vide. Tu ferais ça ? Si tu continues à t'agiter, oui. Fonce ! Chut ! Fonce ! Je te l'avais bien dit que c'était une folie, escalader la paroi nord, avec un temps pareil. Il faisait beau ce matin, tu ne peux pas dire le contraire. Et les montagnards, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les montagnards, que nous avons rencontrés sur la route? Ne restez pas trop longtemps sur la montagne. Il va y avoir un orage. Faites attention. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Qui pouvait les croire? Il faut toujours croire les gens du pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre. Il n'y a pas d'autre solution. Attendre. Et la foudre? La foudre ? Et si la foudre tombe sur nous ? Il ne faut pas exagérer quand même. Ah, je m'en souviendrai, moi, des vacances. Sois tranquille, il n'arrivera rien. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Et puis je commence à avoir froid. Je n'ai plus de force. Calme-toi, je te dis. Tu vois, le ciel commence à se dégager. C'est bientôt fini. Si je tombe, tu auras ma mort sur la conscience. Bon, alors, ou tu te tais, ou c'est moi qui vais finir par te pousser dans le vide. Tu ferais ça? Si tu continues à t'agiter, oui. Monstre! Chut! Monstre! Jean-Claude? Il y a beaucoup de monde sur les pistes aujourd'hui, n'est-ce pas, mesdames? Mesdames ou mesdemoiselles? Mesdemoiselles. Vous skiez depuis longtemps? Depuis ce matin. Non, je voulais dire, c'est la première fois que vous chaussez des skis? Oui. Et vous? Moi? Moi, j'ai participé à toutes les plus grandes compétitions. Et vous connaissez Jean-Claude Killy? Jean-Claude? Attention, écartez-vous! Écartez-vous, nous avons fait nos débuts ensemble. Mais pour moi, le ski... Ça n'était pas seulement la compétition. J'ai skié sur les plus hautes montagnes. Le Kilimanjaro, l'Himalaya, partout. Mais c'est extrêmement dangereux. Je skie d'ailleurs très rarement sur les pistes. Aujourd'hui, c'est un pur hasard. Le destin